L'anniversaire des délégués aux cérémonies des 70 ans de l'organisation des enfants de Corée a été célébré le 6 courant à l'hôtel 25 avril à Pyongyang en présence des officiels intéressés.